Adossé aux hommes du bar, je sirote mon cafard. Je repense à cette chienne qui autrefois était mienne, à ces moments sulfureux que nous vivions à deux, à son corps dévastateur qui venait ma tête comme un tracteur. Souviens-toi, la la, la la la la la la la la, souviens-toi, la la. Ma jalousie était telle, je démissionnais pour rester près d'elle. Lorsque je ne bêchais pas son ventre en friche, nous sortions dépenser mon artiche dans tous ces endroits branchés. Desquels oui j'avais décroché, de tous ces endroits branchés, desquels on avait débranché. Souviens-toi, la la, la la la la la la la la, souviens-toi, la la. De sa grande bouche cruelle, teintée de ce rouge vermeil, petit à petit elle grignota toute ma vie, moi qui ne pensais qu'à elle. Inconscient, oui, des séquelles, moi qui ne pensais qu'à elle. Inconscient, des séquelles, souviens-toi, la la, souviens-toi, la la, souviens-toi, la la la la la la la la, souviens-toi, la la, souviens-toi, la la, souviens-toi. Arriva le jour fatal où je fus à fond de cœur. Elle disparut et jamais plus je ne revis son petit cul. Depuis cet instant maléfique, je dépense le peu de fric que je trouve à picoler pour ne jamais l'oublier. Je bois et je bois, la la la la la la la la, et je bois et je bois, la la la la la la la la. La la la la la la la. Et je bois, et je bois, et je bois.